La science CQFD, Natacha Triou. 2024 et son lot de bonnes résolutions. Oh, peut-être que l'on verra ça plus tard. D'ailleurs, pourquoi procrastine-t-on et quels sont les mécanismes cérébraux impliqués dans cet art de tout remettre à plus tard ? Vous devez faire cette tâche administrative quand soudain vous préférez boire un thé, récurer votre évier puis passer 2 heures à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Ne jamais remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le surlendemain. On se l'est tous dit un jour. La procrastination est-elle le syndrome de notre époque fatiguée ou trouve-t-elle des explications plus fondamentales du point de vue neurologique? Et comment le cerveau prend-il une décision? Ou plus exactement, comment ne la prend-il pas? Procrastination, titre provisoire. Bonjour Mathias Pessiglione. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM. Bonjour Jean Donizot. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche INSERM et vous êtes tous les deux les co-directeurs de l'équipe Motivation, Cerveau et Comportement à l'Institut du Cerveau. Merci à vous d'être avec nous en studio, en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. On publie chaque jour de nombreuses ressources. Pour compléter votre écoute, c'est tout de suite à Science CQFD. Quelles sont les raisons qui nous poussent non pas à passer de passer à l'acte, mais de manquer à l'acte? Le cerveau des procrastinateurs est-il différent du cerveau des non-procrastinateurs? Existe-t-il une signature anatomique cérébrale de la procrastination? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. S'entraîner, on commence avec un bel exemple de procrastination. Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis 2 ans, je dois résilier l'abonnement internet de mon ancien appartement, je le remets à demain. Pareil pour le Tupperware rempli de moisies sur ma table de nuit. Ça fait 2 mois que je le remets à demain, je suis comme ça, je remets tout à demain. J'ai 284 emails non lus, un jour j'ai décidé de les trier, j'ai répondu à 4 emails et j'en ai mis 280 dans un dossier à répondre. Ça fait 3 mois que je pisse dans le noir parce que j'ai pas changé d'ampoule. Quand je veux me désabonner d'un truc, s'il y a plus de 2 étapes, appuyez sur 3. Je reste abonné. Je dois jeter les piles que j'ai pas jetées à la poubelle parce qu'on m'a dit de pas les jeter à la poubelle. Je dois résilier ma carte de cinéma parce que j'y vais plus depuis des mois et quand je vais au cinéma, je retrouve plus ma carte. Je range chez moi que quand quelqu'un doit venir. En vérité, je déplace le bordel. Je dois faire quelque chose de mes centimes. J'ai acheté un disque dur pour sauvegarder mes données au cas où. J'ai jamais fait de sauvegarde dessus. J'ai perdu mes données. Je me suis dit que j'étais trop con. C'était il y a 1 an. J'ai toujours pas fait de sauvegarde. J'ai commencé 12 livres, j'en ai fini aucun. J'ai le droit aux allocations. J'ai mis mon nom, mon prénom. Après, il fallait mettre ses revenus de l'année dernière. J'ai pas d'allocation. J'ai acheté un cadre pour mettre une photo de mes parents dedans, je l'ai jamais fait, ça fait 6 mois que j'ai la photo d'une petite fille que je connais pas sur ma table de nuit, je l'ai appelée Alice, et lui, c'est Rookie. Bref, je remets tout à demain. Moi, c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais. Vous avez peut-être reconnu un extrait de la série Bref de Kian Kojandi en 2011. Mathias Pessiglione, selon vous, c'est une bonne illustration de ce qu'est la procrastination ? Oui, oui, il n'y a que des bons exemples. En fait, procrastination, ça vient du latin crastinus, ça veut dire demain. Donc procrastiner, ça veut dire remettre au lendemain. Et en général, les psychologues s'entendent pour définir la procrastination comme le fait de remettre à plus tard des tâches ou des corvées qu'on doit accomplir, même si on sait qu'on ferait mieux de les faire maintenant. Et donc c'est en quelque sorte agir contre son meilleur jugement. Et c'est ce que dans l'Antiquité on appelait l'acrasie, qu'on traduit, ou acrasia, qu'on traduit en général par faiblesse de la volonté. Et voilà, donc c'est ça, procrastiner. Jean Donizot. Je suis d'accord avec Mathias. C'est des très bons exemples, ils sont drôles, et je pense que l'intuition passe tout à fait. En tout cas, ce que vous dites, c'est voilà, cette tendance à reporter volontairement et de façon non nécessaire des tâches, tout en ayant conscience des conséquences potentiellement délétères de ce report, ça veut dire que la procrastination, c'est un comportement irrationnel. Bah non, pas forcément, parce que les philosophes parlent de faiblesse de la volonté, il me semble qu'il néglige certaines choses, et notamment le coût de l'action. En fait, faire une action, ça me demande un certain effort, ça me prend un certain temps. Donc c'est pas forcément irrationnel de pas le faire, puisque si j'ai pas envie de payer le coût qui est associé à l'action, dans ce cas-là, ça paraît adapté, et on peut dire même que d'une certaine façon, peut-être que le cerveau a mis en place ce genre de stratégie pour éviter de dépenser trop d'énergie ou trop d'efforts. Et quelquefois, attendre la dernière minute, ça permet de faire les choses plus rapidement, juste avant la deadline. Et donc, Il y a des cas où c'est adapté. C'est pas la majorité des cas, malheureusement. Il y a des cas où la procrastination peut être justement productive. L'effet panique. On n'a plus le temps, on n'a plus le choix, on agit à la dernière minute et donc on est peut-être plus productif comme ça. Enfin, ce que vous étiez sur le point de suggérer, Mathias Pessiglione. Oui, ça peut même être une stratégie que les gens emploient plus ou moins implicitement. Maintenant, ça a aussi des conséquences néfastes qui sont importantes dans le domaine de la santé notamment. Si on prend pas rendez-vous avec son médecin, si on prend pas ses médicaments, si on fait pas les démarches nécessaires, ça a aussi des conséquences néfastes au travail, si on rend pas ses devoirs ou ses rapports à temps. En éducation, si on prépare pas ses examens, en économie, si on souscrit pas d'assurance ou si on prend pas les précautions nécessaires à son portefeuille. Jean Donizot. Oui, alors je sais pas si on travaille mieux quand on est face au mur. Parfois, c'est la seule manière de travailler. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à essayer de rapprocher les deadlines. Mais oui, effectivement, c'est la plupart du temps relativement non raisonnable d'attendre que le mur soit en face de nous pour pouvoir essayer de le franchir. On va parler évidemment des mécanismes qui sont en jeu, mais à partir de... Est-ce qu'il existe un moment où la procrastination est considérée comme pathologique, Mathias Pessiglione ? Non, alors dans le manuel des pathologies psychiatriques, il n'y a pas la procrastination. Donc il n'y a pas une maladie qui serait estampillée procrastination. Maintenant, on sait que ça, c'est un trait, c'est-à-dire que c'est une tendance qui est stable dans le temps. Les gens qui procrastinent à un moment ont tendance aussi à procrastiner plus tard. Et ce trait, il va avec d'autres traits de personnalité, par exemple avec l'impulsivité au sens de privilégier le présent par rapport au futur. On sait que ça va avec l'anxiété. Ça, c'est les gens qui procrastinent parce que ils veulent pas prendre le risque de se mettre en échec si il y a une tâche importante à accomplir. On sait que ça va avec l'apathie aussi, puisque l'apathie, c'est ne pas vouloir faire d'efforts. Et si on veut pas faire d'efforts, ben on a tendance à remettre à plus tard. Oblomov, par exemple, le personnage, le héros du roman de Goncharov, on le prend souvent comme un cas de paresse ou d'apathie, mais on pourrait dire aussi il procrastine, il reste sur son lit toute la journée, mais c'est simplement qu'il remet. Ça se trouve, il a plein de projets dans sa tête, mais il les remet à plus tard. Côté clinique, par exemple, vous étudiez, Mathias Pessiglione, certaines maladies neurodégénératives, la dépression ou autres pathologies psychiatriques. Et les questions qu'on se pose, c'est pourquoi les malades en viennent-ils à adopter des comportements qui sont aussi mauvais pour eux ? En fait, ça fait partie des biais cognitifs qui sont légion. Donc, il y a en fait beaucoup de biais cognitifs. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir tout un bestiaire d'attitudes qui sont déraisonnables. Alors, bien sûr, pour caractériser un biais, ça demande de définir une norme rationnelle, puisque par définition, le biais, c'est ce qui s'écarte de la rationalité. Et donc, procrastiner au point de mettre sa santé, sa carrière ou son portefeuille en danger, c'est évidemment pas rationnel. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que la procrastination a également un lien avec l'impulsivité. Et Jean Donizot, comment se définit l'impulsivité en neurosciences ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs définitions, mais en psychologie, on la définit en général comme la tendance à ne pas pouvoir résister à une récompense immédiate. En neurosciences, on pourrait la définir autrement, mais disons à travers quelque chose comme un mécanisme cérébral qui sous-tendrait ce type de comportement. Mais voilà, la définition classique, c'est plutôt celle-là. Ne pas résister à une récompense immédiate, Mathias Pessiglione, ça c'est le fameux test du marshmallow. On peut peut-être aussi rappeler en quoi consiste ce test. Oui, c'est une expérience qui a été faite par le psychologue américain Walter Mischel dans les années 70. Et donc l'expérience se déroule de la manière suivante. C'était fait chez les enfants. Donc vous avez un enfant qui est assis devant une table. Sur la table, il y a un marshmallow, ou un chamallow en français. Et l'expérimentateur, ou Tris, dit à l'enfant « Je vais sortir de la pièce. Si, quand je reviens, le chamallow est toujours sur la table, c'est-à-dire si tu n'as pas mangé, alors tu auras deux chamallows. » Et c'est un exemple de ce qu'on appelle un choix intertemporel. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère une petite récompense maintenant, je mange le chamallow tout de suite, ou une plus grande récompense plus tard. J'aurai deux chamallows dans 15 minutes, le temps que la personne revienne. Mais alors ce test, est-ce que ça en dit long sur l'avenir justement de ces enfants ? Enfin, comment est-ce que ça se fait que certaines personnes deviennent de grands procrastinateurs alors que d'autres non ? Alors, le test du chamallow, il est directement lié à l'impulsivité, indirectement à la procrastination. Et la raison pour laquelle il est célèbre, c'est que les enfants ont été suivis sur 20 ou 25 ans. Et on a comparé les marqueurs de réussite socio-professionnelle entre les enfants qui réussissaient le test, donc qui attendaient pour le deuxième chamallow, et ceux qui échouaient et qui pouvaient pas s'empêcher de manger le premier chamallow. Et on a trouvé comme ça que ceux qui passaient le test avaient un meilleur indice de masse corporelle, de meilleurs diplômes, un plus grand réseau social, enfin tout ce genre de marqueurs qu'on pourrait discuter évidemment, mais qui semblent quand même assez favorables. Et donc c'est après ce genre d'études que les psychologues ont conclu qu'il y avait là une capacité cognitive importante. Nous, dans le jargon, on appelle ça le contrôle cognitif. Donc le fait de pouvoir résister aux récompenses immédiates pour se projeter vers des buts à long terme, on appelle ça le contrôle cognitif. Et donc cette capacité de contrôle, qui est liée au cortex préfrontal, elle est importante pour ces succès sociaux ou professionnels. Pourquoi certains le font plus que d'autres ? Ben, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, ça on le sait par les études de vrais jumeaux. Vous savez que les vrais jumeaux, ils partagent exactement les mêmes gènes, ils ont un même patrimoine génétique. Et donc on peut comparer des traits physiques ou bien des traits de personnalité entre des vrais jumeaux et puis entre des faux jumeaux par exemple, qui sont nés le même jour, qui sont élevés par les mêmes parents, mais qui n'ont pas le même patrimoine génétique. Et on s'aperçoit que quand un vrai jumeau est procrastinateur, bah, son vrai jumeau a tendance aussi à procrastiner, alors que c'est pas vrai chez les faux jumeaux. Donc apparemment, il y a des facteurs génétiques qui prédisposent à la procrastination. Ça veut pas dire que c'est fatal, évidemment, tous les éléments de vie, les habitudes qu'on prend, l'influence de l'entourage, du milieu social, tout ça, évidemment, ça va travailler notre cerveau, ça va faire évoluer notre cerveau, et ça va faire qu'à l'arrivée, à l'état adulte, à 46 ans, qui est l'âge de Jean, on va être plus ou moins procrastinateur. Jean Doudizo. Oui, alors je voulais juste rajouter un point qui est qu'il y a des différences évidemment entre les personnes, mais pour une même personne, les gens sont plus ou moins capables d'exercer du contrôle sur eux-mêmes. En fait, exercer du contrôle sur soi, c'est coûteux. Et donc, de temps en temps, on est suffisamment incité pour le faire. De temps en temps, on est moins incité pour le faire. Donc, c'est pas qu'une capacité. C'est aussi une régulation qui fait elle-même l'objet d'une forme d'arbitrage coût-bénéfice. Alors, quels sont les mécanismes qui entrent en jeu lorsque quelqu'un procrastine ? Comment étudie-t-on aujourd'hui les mécanismes de la procrastination ? Et la procrastination peut-elle trouver une explication anatomique et non pas uniquement psychologique ? Restez avec nous, on y vient. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. On est tout feu, tout flemme sur France Culture avec Mathias Pessiglione et Jean Doniso, car nous parlons de procrastination, mais d'un point de vue cérébral. Cette tendance à reporter au lendemain des tâches, tout en ayant conscience des conséquences délétères de ce report. Comment le cerveau prend une décision ? Ça, c'est typiquement à ce moment-là qu'intervient justement la neuroéconomie. Qu'est-ce que ce domaine émergent, Mathias Pessiglione ? Ah, la neuroéconomie, ça vient de l'économie. Plus précisément d'une fraction de l'économie qu'on appelle l'économie comportementale. Donc parmi les économistes, vous avez un domaine qui essaye de prescrire quelles sont les bonnes décisions, qui essaye de conseiller les dirigeants ou les patrons pour prendre de meilleures décisions. Et puis vous avez des gens qui essayent de décrire comment les vrais gens dans la vraie vie prennent des décisions. Et ils vont pas avoir tout à fait les mêmes modèles, c'est-à-dire que quand on cherche à savoir quelle est la meilleure décision possible, on va bâtir un agent rationnel, qu'on appelle parfois l'homo economicus, alors que quand on va s'intéresser au vrai comportement des vrais gens, et ben justement, on va essayer de caractériser l'écart à l'agent rationnel. Pourquoi est-ce que les gens dans la vraie vie se comportent pas comme l'homo economicus des théories ? Et donc, les économistes qui s'intéressaient à ces comportements irrationnels, ou aux biais, dans la décision, se sont intéressés au cerveau en se disant que peut-être il y avait des choses à comprendre dans la façon dont le cerveau avait évolué, dans la façon dont il est structuré ou dont il fonctionne, qui pouvait expliquer ses biais à la rationalité. L'idée étant que peut-être que le cerveau est adapté en moyenne, il a adopté des stratégies qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution, qui sont adaptées en moyenne, c'est-à-dire à l'ensemble des environnements qu'on rencontre, mais qui se font piéger dans des cas particuliers, notamment dans des problèmes économiques du monde contemporain. Donc cette communauté qui vient de l'économie a rencontré une autre communauté qui vient des neurosciences et qui, comme moi en fait, ne fait pas de la neuroéconomie mais des neurosciences de la décision. Mais tout ça finalement s'est rapproché et la neuroéconomie est devenue très proche maintenant de ce qu'on appelait avant les neurosciences de la décision. Oui, c'est que ces travaux en neuroéconomie ont démarré il y a une vingtaine d'années. Oui, je crois que c'était essentiellement les anglo-saxons qui ont commencé à faire ça, ou en tout cas à se rassembler sous ce vocable. Mais maintenant, c'est une communauté qui est relativement large et internationale. Et alors, nous, on a l'habitude de pas dire qu'on est neuroéconomiste, parce que c'est pas forcément la manière dont on a envie de présenter notre travail. Pourquoi ? C'est une bonne question. Probablement parce que y a une forme d'insistance sur les thématiques classiques de l'économie, ce qui n'est pas forcément la nôtre. Les questions qui sont posées par la neuroéconomie sont des questions intéressantes, mais l'emphase est mise sur certains dilemmes issus de l'économie. Ce n'est pas forcément le point de départ des questions des neuroscientifiques. En tout cas, la neuroéconomie peut apporter quelque chose à l'étude de la motivation. La motivation, c'est avant tout une fonction du cerveau, au même titre que la mémoire, la vision ou le langage. Justement, cette question de la motivation, c'est des mécanismes qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on essaye de découvrir peu à peu, Mathias Pessiglione. Oui, alors c'est ce qu'on dit au labo avec Jean. Donc l'idée, c'est d'expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, à la fois dans le cas normal, dans la vie courante, et dans le cas pathologique. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de comprendre comment les patients qui ont une maladie neurologique ou une maladie psychiatrique prennent des décisions et, le cas échéant, qu'est-ce qui peut dysfonctionner dans leur prise de décision. Donc par rapport à l'anéconomie, nous on a clairement une valence clinique, c'est aussi en ça qu'on s'écarte un petit peu de ce domaine de recherche. Alors la motivation, c'est un mot du sens commun qui a en fait plusieurs sens. Je pense que l'étymologie veut dire mettre en mouvement, donc c'est ce qui pousse à agir. On peut l'entendre comme un processus. Comment est-ce que le cerveau dirige ses mouvements. On peut l'entendre aussi comme un état. Quand on dit « je suis motivé »,« je ne suis pas motivé », on a l'impression que c'est un état qu'on peut quantifier. On peut mettre un niveau de motivation. Et pour quantifier cet état, on s'inspire de la théorie de la décision. Donc c'est là qu'on rejoint les économistes. Et la théorie de la décision dit pour par exemple, si j'ai le choix entre faire une action ou ne rien faire, je vais essayer de contempler, d'anticiper les conséquences de cette action. Elles peuvent être positives, on va dire que c'est des bénéfices, enfin les économistes diraient bénéfices, ou bien ça peut être négatif, on va parler de coûts. Et si la valeur nette, c'est-à-dire les bénéfices attendus moins les coûts attendus, est positive, alors je me lance dans l'action, et si elle est négative, alors je préfère ne rien faire. Ça, c'est un peu le schéma de base. Donc ce compromis coût-bénéfice, ou compromis effort-récompense, c'est la base de la motivation et c'est la base des phénomènes ou des mécanismes qu'on étudie dans le cerveau. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que dans le cerveau, il y a deux systèmes qui s'affrontent en permanence. Un système qui nous pousse à l'action et qui est attiré par les choses désirables et un autre système qui, lui, retient l'action car ce qu'il voit, ce sont des coûts, en particulier des efforts. Je ne sais pas s'il y a forcément une forme un peu adversarielle de ces systèmes. Peut-être que c'est un seul et même système qui se préoccupe des deux aspects à la fois. Mais en tout cas, il y a un système qui est bien identifié, qui est celui qui se préoccupe de calculer les valeurs, l'aspect bénéfice. Et un système qui est un peu moins bien identifié, qui est celui qui se préoccupe des coûts. Mais il y a clairement une intersection entre les deux. Mathias Pessiglione, vous souhaitez y réagir ? Ben, en fait, on peut les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'on peut dissocier les deux systèmes. Il y a effectivement un système qui désire en quelque sorte, qui est attiré par les récompenses, les plaisirs, le bien-être, etc., et qui va pousser à l'action. Il y a un système qui va considérer les coûts et qui va plutôt empêcher l'action. Mais il y a aussi une intégration des signaux envoyés par ces deux systèmes. Donc c'est pas comme si les systèmes étaient complètement séparés ou étanches l'un à l'autre. Il y a aussi une intégration dans le cerveau. C'est justement le troisième système qui calcule cette valeur nette et qui, in fine, fait qu'on va s'engager dans l'action ou pas. Mais autre chose qu'il faut dire, c'est que ces deux systèmes, qu'on est en train de définir ensemble, ils sont aussi sensibles au délai, à la notion temporelle. Oui, alors ça c'est la clé à la fois pour l'impulsivité et pour la procrastination. Donc effectivement, on le voit très bien. Enfin, en tout cas, l'intuition psychologique est assez claire. Si je ne sais pas si on négocie par exemple pour un emploi et que je vous propose de vous payer à la fin de la journée, vous allez être contente. Si je dis je vous paierai demain, c'est déjà moins bien. Si je vous dis je vous paye dans 10 ans, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Et c'est pareil pour les efforts en fait. Si je vous dis vous allez me copier 25 lignes comme les professeurs qui donnent des punitions à l'école, tout de suite, ça va vous paraître très pénible. Si je vous dis vous avez jusqu'à demain pour le faire, c'est déjà un peu mieux. Si je vous dis vous avez 10 ans pour le faire, ben c'est négligeable en fait, c'est presque rien. Et donc on dévalue tous à la fois les efforts et les récompenses avec le temps. La personne impulsive, c'est la personne qui dévalue très vite les récompenses avec le temps. Et la personne qui procrastine, c'est celle qui dévalue très vite les efforts avec le temps. En tout cas, qui dévalue les efforts avec le temps plus vite que les récompenses. Alors, un exemple précis pour illustrer ce que vous dites. Oui, ben, on peut reprendre les exemples qui étaient donnés tout à l'heure. Par exemple, je sais pas, résilier un abonnement sur Internet. C'est un effort parce que il faut que je regarde comment on fait. Je sais pas, il y a des formulaires à remplir. C'est une récompense parce que déjà ça me fait gagner de l'argent et ensuite je serai content de moi parce que je l'aurais fait et j'aurais pu le faire. Et la clé pour la procrastination, c'est la décision de le faire maintenant ou plus tard, mettons demain. Et donc si je contemple l'idée de le faire maintenant, ça me paraît très aversif parce que je dois faire l'effort tout de suite. Mais il y a une certaine récompense à la clé. Si je contemple maintenant l'idée de le faire demain, ça me paraît beaucoup moins aversif. Je me dis oui, demain il n'y aura pas de problème, j'aurai le temps, je serai plus en forme, je vais pouvoir aller sur Internet tranquille. Et par contre, la récompense n'est pas tant d'évaluer. Je me dis, si je le fais demain, si je résolis mon abonnement demain, ben pour le porte-monnaie, ça va être à peu près pareil. Et puis demain, je serai content. Et même du fait que j'ai pris la décision maintenant de le faire, même si je le fais demain, je suis déjà assez content de moi. Donc la récompense est toujours là, mais l'effort attaché à l'action de faire demain paraît beaucoup moins aversif, beaucoup moins pénible, et donc je prends la décision de reporter, de le faire demain. C'est ça le mécanisme clé, la procrastination. La dévaluation temporelle, ce qu'on vient de décrire, qui entre en jeu dans cette procrastination. Alors, est-ce que, d'un point de vue justement physique, neuro, Jean Donizo, est-ce que le cerveau des procrastinateurs est-il anatomiquement différent ? Anatomiquement ? Non. La réponse est courte. Non, il y a pas de consensus en fait là-dessus. De temps en temps, on voit apparaître des études qui comparent le cerveau des procrastinateurs et des non-procrastinateurs. Quelquefois, elles concluent à des petites différences, mais l'étude d'après ne réplique pas le résultat. Donc, je pense que Jean a raison en fait. En première approximation, on peut dire que c'est le même cerveau. On pourrait même dire que c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que tout le monde prend ce genre de décision. C'est simplement la sensibilité au délai qui va différer entre le procrastinateur et celui qui ne l'est pas. Parce qu'il y avait cette étude, en effet, en 2018, parue dans Psychological Science, que vous avez peut-être dû voir, Mathias Piciglione, selon laquelle l'amygdale est plus grosse chez les personnes les plus procrastinatrices. Et d'autre part, les connexions entre les deux zones, l'amygdale et le cortex singulaire, deux zones du cerveau liées à la prise de décision, sont des connexions moins importantes que des personnes moins paresseuses. Enfin bref, c'était sur l'aspect anatomique, sur ça, comme vous dites, pas de consensus. En revanche, vous avez mis en lumière quelque chose de très intéressant, c'est que il y a une zone du cerveau qui s'activerait particulièrement au moment d'une envie potentielle de procrastination. Ça, c'est la question que, enfin, c'est ce que vous avez montré dans l'étude parue en 2022 dans la revue Nature Communications. Alors, c'est presque ça. C'est pas presque tout à fait. Ça. Très bien. Non, en fait, ce qu'on décompose les options, c'est-à-dire que, parce que dans la décision de procrastiner, c'est un peu compliqué parce que chaque option est composée d'une récompense, d'un effort et d'un délai. Donc vous avez 3 dimensions par option. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc comme d'habitude, quand on fait de la science ou des neurosciences, on va décomposer le problème. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va montrer à nos participants, donc ceux qui viennent à l'Institut du cerveau pour faire des expériences et qui s'allongent dans l'IRM pour faire des tests de décision, pendant qu'on voit l'activité de leur cerveau, ce qu'on va leur montrer, ce sont des options qui associent, par exemple, une récompense et un délai. Est-ce que ça vous ferait plaisir, je sais pas, d'avoir une boîte de chocolat demain ? Ou à quel point ce serait pénible si je vous demandais de remplir un formulaire administratif maintenant ? Et là, le cerveau réagit. Et donc, on peut en observant la réaction du cerveau, estimer la sensibilité du participant au délai, à la fois pour la dévaluation des efforts et la dévaluation des récompenses. Et donc c'est ça qu'on a estimé en fait dans cette expérience-là. Et ensuite, quand on avait estimé ces paramètres, donc de dévaluation temporelle, on les injectait dans un modèle, qui est un modèle mathématique, qui permettait de simuler la décision que prendraient les participants, et donc de prédire s'ils allaient ou pas procrastiner. Et le test révélateur de la procrastination, c'était le délai avec lequel les participants renvoyaient des questionnaires assez pénibles à remplir pour être indemnisés pour leur participation à l'expérience. Donc on leur disait, vous avez 30 jours maximum, vous serez payés quand on recevra le questionnaire. Et d'après les mesures cérébrales et le modèle mathématique, on essayait de prédire avec quel délai ils allaient renvoyer le questionnaire. Il y en a qui le font tout de suite, ils préfèrent se débarrasser de la corvée, il y en a qui attendent jusqu'à la deadline, et puis vous avez tous ceux qui sont entre les deux. Et donc le résultat... Ils ne le font jamais, j'imagine aussi. Il y a assez peu, mais effectivement, il y en a quelques-uns qui l'ont jamais fait. Et donc le résultat, c'est que les prédictions sont statistiquement valides, c'est-à-dire que le délai prédit par le modèle est corrélé au délai observé chez les participants. Ça ne veut pas dire que le modèle fait une prédiction exacte au jour près pour chaque participant, mais ça veut dire qu'il génère une information valide. Vous avez donc réalisé des IRM sur 51 participants qui vous ont donc permis de mettre au point ce modèle neurocomputationnel, on y reviendra, mais que permettent-elles de voir ces IRM plus précisément ? Elles permettent de voir le débit sanguin. En fait, quand on fait de l'IRM fonctionnel, on met les gens dans un champ magnétique et l'hémoglobine n'a pas la même susceptibilité magnétique selon qu'elle est oxygénée ou pas oxygénée. Donc, quand dans une région cérébrale, le débit sanguin change, la concentration en hémoglobine oxygénée change aussi. Ça fait une petite déviation sur le champ magnétique qu'on peut détecter à l'IRM. Et donc on va voir les régions du cerveau qui ont davantage de sang et on fait l'hypothèse que c'est pour pouvoir apporter de l'oxygène et du glucose aux régions qui travaillent. Donc en quelque sorte, on voit les régions qui sont mobilisées par la tâche qu'on demande à nos participants d'accomplir. Jean Denisot. Non, mais c'est un bon résultat. Hein. Donc après, on peut faire plein de choses avec l'IRM. Mais l'IRM fonctionnel tel qu'on l'entend quand on l'utilise pour faire ce type d'expérience, c'est ça. En fait, on voit le sang qui bouge. Et plus une population de neurones s'active, plus le sang bouge rapidement localement. Alors ces IRM, quand on montre donc aux participants des options qu'ils peuvent choisir, comme vous disiez tout à l'heure, comme par exemple, est-ce que vous préférez avoir 5 fleurs demain, 10 fleurs dans une semaine, au moment de la prise de décision, que se passe-t-il, Mathias Pessiglione ? Eh bien, on mobilise les systèmes dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous avez le système des récompenses. La région clé, pour donner un gros mot anatomique, c'est celle qu'on appelle le cortex orbitofrontal, parce qu'il se trouve derrière le front, entre les orbites. Donc, si vous avez le système des récompenses, plus la récompense est attirante, plus ils s'activent. Vous avez, à contrario, le système des efforts. S'il faut citer une seule région, je citerai l'insula, qui est une région de corticale, mais à l'intérieur du cerveau. Et puis, vous avez la région qui fait l'intégration des deux, qu'on va appeler le cortex singulaire. On dit parfois antérieur, parce qu'il est devant, peu importe. Et donc, ces trois systèmes s'activent en proportion de l'attirance qu'on a pour la récompense ou bien de l'aversion qu'on a pour l'effort. Cette zone, ce cortex singulaire antérieur, c'est la zone cérébrale qui serait liée à la procrastination, donc. En fait, c'est l'ensemble du cerveau qui est lié à la procrastination parce que cette zone-là, et j'hésite un peu en même temps que je parle parce que j'ai donné une zone par système pour mettre une étiquette, mais en fait, il faut comprendre que ce sont des réseaux et c'est pas comme dans les bosses du crâne de Gall, dans la phrénologie, on aurait une fonction par région cérébrale. En fait, ce sont à chaque fois des réseaux, donc un ensemble de régions qui s'activent. Et donc, je préfère parler du réseau des efforts, du réseau des récompenses. Et en fait, effectivement, on pense que la décision de procrastiner est basée sur le signal renvoyé in fine par le cortex singulaire antérieur, mais ce signal, il vient pas de nulle part. Il ne fait qu'intégrer les signaux envoyés par les autres régions qui sont en amont dans le circuit. Jean Denisot. Alors, il y a un autre sens pour lequel le cortex singulaire antérieur n'est pas à la région de la procrastination, c'est que si on lèse le cortex singulaire antérieur, on a tout un tas d'autres problèmes que celui de procrastiner. Voilà. Comme ça crée des syndromes d'apathie en général. Vous avez donc mis au point ce modèle prédictif de procrastination. En quoi consiste-t-il plus précisément? Existe-t-il des remèdes à la procrastination? On continue d'avancer dans la to-do list de cette émission. Il faut que je réfléchisse à si je me lave les cheveux, parce qu'il pleut. Que je choisisse si je mets mes bottes taille 37 ou 38, car elles sont trop petites. Est-ce que je devrais manger mon litchi, maintenant, ou me brosser les dents? Il faut que je lui demande si on se voit mercredi ou jeudi, car en fonction je pourrais savoir si je vais à la poste le matin ou l'après-midi. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. Je dois encore repeindre les murs en blanc et finir l'inventaire des objets potentiellement manquants. Il faut que je redécolore la pointe de mes cheveux et que j'arrose trois fois le ficus Benjamina. Que je me fasse percer l'oreille et que je m'envoie un mail sur mon compte professionnel. Il faut que je réfléchisse à ma prochaine story et que j'achète du céleri. Il faut que je pense à ma blablabla. Et puis surtout, que je reprenne une photo de moi. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire. En direct sur France Culture, j'ai plein de trucs à faire du groupe Tentative, car nous parlons de procrastination avec nos deux invités du jour, tous deux co-directeurs de l'équipe Motivation, Cerveau et Comportement à l'Institut du Cerveau. Mathias Pessiglione, directeur de recherche INSERM, et Jean Donizot, chargé de recherche INSERM. Nous venons de parler des différentes régions cérébrales impliquées dans la prise de décision ou la non-prise de décision, mais pour évaluer les mécanismes impliqués dans la procrastination, il faut aussi intégrer la dimension comportementale en complément de l'approche purement neurologique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée au sein de la plateforme PRISM de l'Institut du Cerveau, où ont été réalisés une partie des tests de cette expérience. Et oui, salle de sport, salle détente ou salle de classe, cette plateforme est modulable en fonction des comportements qu'on souhaite examiner. Ici, Karim Ndiaye, ingénieur de recherche, m'a fait visiter ces espaces où on a testé, dans le cadre de cette étude, la prise de décision quant au coût de l'effort ressenti versus celui de la récompense. Des mesures qui se combinent avec des données en IRM pour générer un modèle mathématique dont on a parlé, visant à prédire, voire mieux savoir gérer ce comportement. On a la salle dite salle de sport. Salle de sport. Donc on a des vélos qu'on connecte avec des ordinateurs, des tapis de marche qu'on peut connecter avec des ordinateurs aussi, des systèmes d'acquisition pour enregistrer des données sur les personnes. D'accord. Et qui peuvent faire un test sur le vélo pendant qu'ils sont en train de pédaler ou en dehors, ils reviennent, ils font un aller-retour. Donc là, on est dans la salle de récréation. Voilà, c'est une salle en fait qui est aménagée un peu comme un petit studio, un espace, disons, de vie qui pourrait être un espace de vie standard, mais qu'en fait, on peut réaménager aussi un peu à façon, suivant les protocoles. Et ça permet de tester les gens dans des fonctions qui sont peut-être plus proches de ce qui se passe dans la vie réelle et de comparer ce qui est parfois un peu étonnant, c'est le hiatus qu'il y a entre des mesures qu'on peut faire au laboratoire dans un contexte très artificiel où parfois même des patients peuvent être relativement préservés. Donc quand on s'intéresse à vraiment à la prise de décision, en fait on va manipuler la récompense qu'on donne aux gens par principe. En général, les gens ils viennent, ils ont une indemnisation simplement pour les les dédommager du déplacement. En fait, ils sont venus, ils ont passé du temps. Voilà, c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. Mais là, on va utiliser cette indemnisation pour en faire un paramètre de l'expérience. Et donc, dans l'expérience de Mathias Pessiglione et Raphaël Lebouc, ce qu'ils manipulent, c'est le temps au bout duquel les gens vont recevoir tel ou tel montant et l'ampleur de ce montant-là. Et ça, c'est une décision qui appartient aux gens. Donc, on les recrute, on leur donne les règles. Il n'y a pas de choses cachées. On leur dit pas, il n'y a pas de piège. On leur dit, voilà, l'expérience à laquelle vous avez participé, c'est une expérience avec des prises de décision. Il y aura une indemnisation qui va être variable selon aussi ce que vous aurez choisi. Et après, c'est eux qui décident en fait du délai. Et après, voilà, les gens vont choisir le délai avec lequel ils veulent recevoir la récompense et le montant de la récompense associée. Donc, après, on a tout un calcul mathématique de modélisation qui sert à extraire des informations à partir des choix que les gens ont faits. Parce qu'ils vont faire une série de choix. La difficulté étant que en recherche expérimentale, il faut répéter les choses parce que le comportement humain, il est très variable. Et si vous demandez à quelqu'un un jour, est-ce que vous préférez un gâteau au chocolat ou une tarte aux fraises, bah, un jour la personne peut dire un gâteau au chocolat, le lendemain une tarte aux fraises. Il faut des statistiques. Donc, assez... si on répète l'expérience tous les jours pendant un an, on verra peut-être que la personne a une petite préférence pour le gâteau au chocolat que pour la tarte aux fraises, mais c'est pas en une fois qu'on peut le dire. Eh ben, réduit à une session expérimentale, c'est ça qu'on fait. On va répéter plusieurs fois des questions et à partir de l'ensemble des réponses que les gens vont donner, modulo toutes les variations, l'aléatoire qu'il y a dans la décision humaine, on va réussir à trouver des règles un peu générales qui s'appliquent à une personne en particulier ou à un groupe. Et donc, on va pouvoir comme ça extraire des informations. Quand on les met dans une situation plus compliquée où le champ des possibles est plus ouvert, il y a plus de perturbateurs, plus de choses qui vont saisir leur attention. Il peut y avoir un canapé où on a envie de s'asseoir et puis en même temps des petits jouets sur la table et des choses comme ça. Là, les gens vont peut-être perdre le fil de leurs idées. Là, ça permet de tester les gens dans des situations plus réelles qui correspondent parfois plus à ce que peuvent dire les proches ou les aidants qui vont dire bah, « telle personne, elle a du mal à... Le matin, on voit qu'elle est un peu perdue, etc. » Et ça, on n'a pas forcément cette impression-là quand on la teste sur une épreuve très standardisée. Donc, l'intérêt, c'est de contraster ce qu'on appelle des situations écologiques au sens vie réelle et des situations plus artificielles, mais beaucoup plus contrôlées sur ordinateur. On mime la vie réelle dans une certaine mesure. Alors là, on entre dans la salle de classe. Voilà, c'est la salle dite de classe parce que elle est organisée un peu comme un labo de langue. Un petit box comme ça. Alors voilà, avec chaque ordinateur et il y a 12 postes d'informatique. Chacun est isolé avec une petite paroi, avec son siège, son ordinateur, son unité centrale, son clavier, sa souris. Et c'est ici que les participants exécutent des tâches cognitives. Et donc voilà. Et donc les gens vont être assis chacun à un ordinateur et on va déclencher des protocoles de test où on va leur faire des petits exercices sur ordinateur. Et puis chaque ordinateur est équipé de micro-caméras qui sont situées sous l'écran, qui sont en fait des capteurs qui suivent le regard de la personne. Donc ce qu'on appelle des oculomètres ou des eye trackers en anglais. Nous, on s'en sert comme une mesure passive. On regarde ce qui se passe dans le regard des gens. Et dans le regard, on n'a pas seulement où la personne regarde sur l'écran, mais on a aussi même où est-ce qu'elle s'arrête et le diamètre de sa pupille. Donc on peut avoir des informations qui sont ce qu'on appelle de l'ordre du système végétatif, donc de la réaction plutôt physiologique. Donc par exemple, lorsque la personne va fatiguer ou lorsque la personne va être plus attentive ou être surprise ou être émue, on va avoir des changements du diamètre pupillaire qu'on va mesurer plusieurs dizaines de fois par seconde. Donc on va avoir une dynamique de ce diamètre pupillaire qui va pouvoir être corrélée aux performances. Par exemple, on peut regarder si lorsque la pupille montre des signaux associés à la fatigue, est-ce que ça se traduit par exemple dans des moins bons taux de réponse sur une tâche de mémoire de travail lorsqu'on demande à des gens de mémoriser des lettres par exemple qui apparaissent sur l'écran. Et on a vraiment plein de dispositifs expérimentaux, de protocoles expérimentaux pour tester ce genre de capacité. Du coup, est-ce qu'à partir de ces mesures et après les modèles mathématiques, on arrive à dégager des tendances en moyenne en fonction des récompenses, du coup, effort-récompense est-ce qu'il y a des conclusions générales que vous pouvez tirer à ce stade où c'est trop prématuré ? Moi, je ne suis pas le mieux placé, parce que c'est des travaux de chercheurs spécialisés du sujet. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, les personnes peuvent avoir une performance plutôt préservée dans un certain domaine, sur un ordinateur, dans des situations un peu contrôlées, un peu artificielles et un peu épurées, et puis être plus perdues lorsque la situation devient complexe. Donc, généraliser dans ce cas-là, c'est pas toujours facile. Et puis, de toute façon, on est aussi face à quand même une entité qui est l'esprit humain, qui est variable au sein d'un individu et entre individus. Et donc, on est obligé de faire des moyennes, en fait, statistiques. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, qu'une personne met en moyenne 500 millisecondes à répondre à telle question, ce qui ne veut pas dire que tout le monde répond 500 millisecondes, ça veut dire qu'il y a une grande variabilité et qu'au sein de cette variabilité, la moyenne est celle-ci. On n'a jamais, en fait, on ne cherche pas forcément à dire quel est l'universel exactement qui vaut pour tout le monde, mais c'est plutôt rendre compte statistiquement de la diversité, mais l'unité aussi de l'esprit humain, quoi. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Jean Denisot, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Alors moi je suis un grand fan de Karim et un grand fan de la plateforme Prism. En fait ça permet de faire des choses assez extra. Il y a énormément d'expériences qui sont conduites sur cette plateforme. C'est une facilité qu'on utilise là où on travaille, à l'Institut du Cerveau. Nous dans l'équipe, mais les autres équipes de l'Institut utilisent cette plateforme. Donc je pense que Karim a bien décrit les choses. En fait, l'une des choses qui est formidable, c'est qu'on peut tester plein de personnes en même temps. Donc ça permet d'accélérer énormément la recherche. Ça, c'est intéressant. Et puis pour le cas concret, l'expérience sur la procrastination, en fait, tous les participants ont été testés sur Prism. Hein. Voilà, c'est une plateforme qui démontre son efficacité. Mathias Pessiglione. Ce qu'il faut souligner peut-être dans ce qu'a dit Karim, c'est qu'il y a aussi des limites au genre d'études qu'on fait. Tout le monde ne vient pas à l'Institut du Cerveau pour faire des expériences, donc les volontaires qu'on teste ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la population française. D'une part, et d'autre part, comme il a bien expliqué, les conditions de laboratoire sont un peu artificielles, et quelquefois, les biais qu'on met en évidence au laboratoire ne sont pas les biais qui sont les plus gênants pour la vraie vie, quand on est chez soi, ou à l'école, ou au travail, etc. Et c'est pour ça qu'à Prism, on essaye de déporter les études, de faire des études hors labo, de développer des tests en ligne qui vont toucher d'autres populations que celles qui viendraient à l'Institut du Cerveau. Mais je me demandais justement, comment, pour continuer sur la description de votre protocole, les 51 patients avec lesquels vous avez travaillé, 51 volontaires pardon, avec lesquels vous avez travaillé, comment ont-ils été sélectionnés ? Ah, on a une base de données de près de 8000 personnes, je crois, de gens qui se déclarent volontaires pour venir faire des expériences et qui rassemblent en fait des inscriptions venant de listes de diffusion multiples et variées. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup d'étudiants, on a quelques retraités. Ce qui est plus difficile à toucher, c'est la population active, évidemment, entre les deux. Les gens qui sont occupés n'ont pas forcément le temps de venir faire les manips. Mais c'est pour ça que c'est important de construire des cohortes de participants qui soient bien représentatives. Jean Denisot, vous avez donc mis au point, à partir de cette publication de 2022 dans Nature Communication, vous avez donc mis au point un modèle prédictif de procrastination. Alors qu'est-ce que ce modèle et quelle est cette approche que vous développez au laboratoire, celle d'utiliser les mathématiques pour aborder la psychologie et la biologie du cerveau ? C'est quelque chose d'assez peu fait. J'ai juste corriger un petit truc. Le modèle de l'article de 2022, c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, effectivement, le gros de mon travail, c'est de faire de la modélisation mathématique et des processus psychologiques ou cognitifs et des mécanismes neuronaux sous-jacents. Mais je vais rendre à César ce qui est à César, ce modèle n'est pas le mien. Alors maintenant, pourquoi s'intéresser, pourquoi faire ça ? Il y a peut-être plusieurs motivations. La première, c'est ou l'une des premières motivations pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir tenir compte de contraintes biologiques qui s'exprimeraient dans les systèmes neuronaux, qui seraient eux en charge de traiter l'information qui mène au comportement. Alors pour faire ça, on peut potentiellement imaginer des expériences, amener ce type de preuve sur un plan complètement expérimental, mais probablement pas chez l'homme. Donc on pourrait, j'imagine, faire des manipulations sophistiquées chez l'animal. Mais quand on s'intéresse au comportement humain et un comportement un petit peu sophistiqué, comme dans le cas de la procrastination, une prise de décision basée sur une forme de projection des conséquences de l'action, là c'est, disons, plus humain comme comportement. Pour arriver à amener une preuve expérimentale qu'il y a une contrainte biologique qui mène, par exemple, à un biais cognitif, une déviation à la rationalité, là, il faut comprendre la nature de l'impact de cette contrainte sur le traitement de l'information. Et c'est pour ça qu'on peut vouloir utiliser de la modélisation mathématique. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans l'équipe. Mathias Pessiglione, pour prolonger, hein, donc, elle mesure ce type d'approche, ça permet de comprendre les choses plus finement. Ben, vous avez utilisé le bon mot, en fait, c'est pour comprendre. Et en fait, c'est important parce que si le but, c'était de prédire le comportement des gens, comme font les plateformes en ligne, ou Netflix, ou je ne sais quoi, on n'utiliserait pas le genre de modèle que j'en fais, qu'on appelle modèle computationnel, où on spécifie en fait les étapes de traitement de l'information, qui prennent en entrée les informations dont dispose la personne et qui génèrent le comportement en sortie. Donc si on était content d'avoir des prédictions valides dans notre étude, c'est pas tellement pour la performance de prédiction, c'est parce que ça valide notre hypothèse. Donc c'est le fait de pouvoir prédire correctement nous dit que les hypothèses qu'on a formalisé sur le plan mathématique dans le modèle sont correctes. Et ça fait la différence avec des réseaux de neurones qui vont apprendre à faire une tâche, par exemple à jouer au go ou aux échecs, simplement en modifiant les poids synaptiques, parce que à la fin, vous avez un modèle qui est très performant, donc il va battre le champion du monde au go, mais vous savez pas comment il fait. Alors que dans les modèles que j'en fais, les modèles computationnels, les étapes de traitement de l'information sont explicites, donc ça fournit une explication, en fait, au comportement. Mais votre modèle permet donc, on l'a dit tout à l'heure, d'estimer la tendance à procrastiner pour chacun. Est-ce qu'on peut, vous disiez aussi tout à l'heure, tout ça c'est des modèles prédictifs, c'est des prédictions informatiques, c'est imparfait, mais est-ce qu'on peut imaginer des applications de ce modèle côté clinique ? Alors on commence juste à lancer des études en clinique, parce que c'est un vrai problème de santé publique, c'est-à-dire que les patients qui viennent pas au rendez-vous, et apparemment le comportement augmente, d'après ce que nous disent les collègues médecins, ce qui fait qu'ils ont du mal à remplir les créneaux alors qu'ils ont des délais d'attente de 6 mois, c'est un problème à la fois pour le fonctionnement de l'hôpital et pour la santé des patients, de même que les patients qui remplissent pas les formulaires, font pas les démarches, ne prennent pas leur traitement, etc. Et il y a un autre type de question que se posent les médecins, c'est est-ce que les traitements qu'on donne aux patients en neurologie ou en psychiatrie vont exacerber ou au contraire contrer la tendance à procrastiner. Et c'est important parce que il y a beaucoup de médicaments qui en fait jouent sur des systèmes modulateurs qui ont à voir avec ces systèmes d'effort et de récompense. Donc par exemple la dopamine qui est impliquée dans la maladie de Parkinson, la schizophrénie, le TDAH, etc. Et du côté des récompenses. Si je donne un psychostimulant, comme la Ritaline, je vais augmenter l'appétence pour les récompenses. Côté effort, c'est un peu moins clair, mais on pense que si je donne du Prozac, un antidépresseur, je vais jouer sur la sérotonine, et donc plutôt du côté du coût des efforts. Donc il y a aussi un enjeu à comprendre ce qu'on fait en donnant ces médicaments, du point de vue de cet arbitrage entre effort et récompense. Jean Donizot. Oui, alors, juste pour rajouter un point là-dessus, donc, si on a une technique qui nous permet de dire, pour cette personne, c'est plus un problème, par exemple, d'hyposensibilité à la récompense, alors que pour cette personne, c'est un problème d'hypersensibilité à l'effort, on a probablement un argument pour dire, il vaut mieux lui donner un médicament pro-dopaminergique ou un médicament pro-sérotoninergique. Donc on peut utiliser aussi ce type d'approche pour orienter le traitement de manière personnalisée. Là, on parle en effet des possibilités d'application côté clinique. Autre application possible de ce modèle, peut-être dans le domaine de l'éducation, Mathias Pesseglione. Oui, alors dans le domaine de l'éducation, à ma connaissance, il n'y a pas d'intervention biologique ou médicamenteuse. On peut simplement donner des conseils. Là, on s'éloigne un petit peu de notre expertise, puisqu'on n'est pas soignant, ni Jean ni moi. Nous sommes de pauvres chercheurs. Mais la procrastination, c'est un vrai problème pour les étudiants. La quasi-totalité des étudiants procrastinent, comme on a tous fait. J'enfonce les sourcils en me disant non, mais... Jamais. J'ai jamais fait ça. Et donc, ça peut être utile d'avoir le modèle en tête, en fait, simplement pour se donner des pistes. Par exemple, si le problème, c'est que on surestime l'effort, eh bien, ça va être intéressant d'essayer de soulager le coût de l'effort, c'est-à-dire l'estimation anticipée qu'on se fait de l'effort lié à la tâche à accomplir. Par exemple, en décomposant la tâche en petites étapes ou en sous-buts qui chacune vont demander moins d'effort, ce qui permet de se mettre dans l'action et de se rendre compte qu'après tout, c'est pas si difficile que ça. Peut-être qu'on se fait des montagnes, de démarches administratives. Moi, j'ai longtemps procrastiné le renouvellement de mon permis de conduire et en fait, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas grand-chose. Si au contraire, c'est un problème de récompense, peut-être qu'on peut se mettre des récompenses intermédiaires, se dire, au lieu de m'obliger à faire cette tâche qui me paraît énorme, je vais faire une petite partie où je vais y consacrer tant de temps, et puis, à la clé, je m'offre un petit plaisir. Et Dans ce cas-là, ça permet de ruser un petit peu avec le rapport coût-bénéfice, de déplacer un peu ce rapport coût-bénéfice pour le rendre favorable et permettre de déclencher l'action plutôt que simplement procrastiner ou plutôt que de se lancer sur d'autres tâches qui peuvent nous paraître urgentes, mais qui servent à soulager la culpabilité sans pour autant avancer vers l'objectif qui est important pour nous. Jean Donizot, en effet, on n'a pas de vraie solution, on n'a pas de remède à la procrastination, mais pour continuer, pour donner d'autres pistes à l'antenne. Moi, j'aime beaucoup l'idée de se manipuler soi-même. Je pense qu'il y a une leçon profonde. Mais moi, j'ai pas de recette particulière pour pouvoir s'empêcher de procrastiner. Je sais pas trop. Pas d'astuces supplémentaires? Alors oui, on pourrait en citer d'autres. Par exemple, pour alléger l'effort, on peut aussi essayer de réduire nos exigences. Ça marche bien pour les perfectionnistes. C'est-à-dire que plutôt que s'astreindre à rendre un truc parfait, on peut se dire que quelque chose de approximativement correct pourrait être satisfaisant. Une autre façon de faire, évidemment, c'est d'éviter toutes les distractions, les smartphones, la connexion Internet, tout ce qui peut nous dévier de la tâche à accomplir. D'une façon très générale, pour le changement comportemental, on conseille de prendre des mesures concrètes, c'est-à-dire que se dire dans l'abstrait « demain, c'est sûr, j'arrête de procrastiner », ça sert à rien. Rentrer en lutte avec soi-même, en général, ça marche pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux ruser. Et on peut, par exemple, éviter, alors soit s'engager au préalable. Alors je prends l'exemple, une bonne résolution de rentrée, c'est de se mettre à courir régulièrement, ou d'aller à la salle de gym régulièrement. On peut s'engager auprès de quelqu'un, par exemple, je vais y aller avec un copain, et comme ça, ça m'oblige en quelque sorte, c'est-à-dire que le coup de ne pas y aller, ça va être la honte devant la personne auprès de laquelle je me suis engagé, et ça déplace évidemment le rapport coût-bénéfice. Une façon de faire, c'est d'éviter la délibération, donc le rapport coût-bénéfice, et en faire une habitude. Donc si le matin je me réveille, je suis sous la couette, j'essaye de pondérer ma décision, est-ce que je reste sous la couette bien au chaud ou bien est-ce que je vais courir dans le froid? Bon, il y a de fortes chances que je reste dans mon lit, alors que si je me suis pré-engagé et que j'en fais une habitude, bon, le réveil sonne, je mets mes baskets et je sors. Merci en tout cas pour toutes ces astuces pour cesser de tout remettre au lendemain. On arrive à la toute fin de cette émission et je voulais quand même vous poser cette question. Est-ce que on sait si les primates non humains ont des mécanismes de motivation semblables aux nôtres? Et en l'occurrence en ce qui concerne aussi la procrastination. Alors la réponse courte, c'est oui. Il y a beaucoup de choses communes. Il y a des systèmes de récompense, des systèmes d'effort chez les primates non humains. S'il fallait donner une différence, j'ai l'impression que la différence, c'est plutôt la troisième dimension, c'est le délai. C'est-à-dire que nous, humains, on a un horizon temporel très étendu, c'est-à-dire qu'on peut faire des efforts importants pour des buts à très long terme, y compris dans plusieurs années, quand on travaille pour un diplôme, par exemple. Alors que les singes, et il me semble même les grands singes, vont rapidement se désintéresser de l'action si les conséquences interviennent à trop long terme. Donc en quelque sorte, ils sont plus impulsifs que nous. Ils sont plus, ce sont de grands procrastinateurs. Ce sont des procrastinateurs et surtout ils sont dans un environnement qui est un environnement immédiat, c'est-à-dire qu'ils sont très attendus, ils sont dans le présent en fait beaucoup plus que nous, qui sommes capables avec notre gros cortex préfrontal, du moins pour les adultes, parce que les enfants ont un horizon temporel plus court. Mais si on est un humain et un adulte, on est capable de se motiver pour des choses à très long terme. C'est peut-être ça la spécificité de la décision chez l'homme. Et vous évoquez les enfants, on voit bien la difficulté qu'il y a d'apprendre la notion de délai aux plus petits. On va parler d'un tout autre sujet dans quelques instants avec la chronique d'Alexandra Delbault, mais pour prolonger l'écoute, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Mathias Pessiglione, Les vacances de Homo sapiens, notre cerveau entre raison et déraison, paru en 2021 chez Odile Jacob. Merci Jean Donizot, merci Mathias Pessiglione. Merci à vous. Et on retrouve maintenant Alexandra Delbault et sa chronique Avec Science. On poursuit cette semaine spéciale Fake News. Toute Toute la semaine, nous disséquons des infox pour comprendre comment ces fausses informations scientifiques se construisent, se propagent et persistent. Aujourd'hui, sur notre table d'autopsie, le climato-scepticisme. Il y a en réalité plusieurs mouvances. Les climato-sceptiques d'un côté et les climato-dénialistes de l'autre. Les premiers ne croient pas que le changement climatique puisse être d'origine anthropique, c'est-à-dire la conséquence des activités humaines. Côté dénialiste, il n'y a tout simplement pas de changement climatique. Pour ces deux mouvances qu'on traitera ensemble ici, il n'y a pas lieu de s'affoler car le changement climatique ne fera pas de dégâts. Depuis quand le climato-scepticisme existe-t-il? Eh bien en fait, depuis toujours, mais comme dans le climat, il y a aussi chez les climato-sceptiques des variations saisonnières. David Chavalarias est directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris, Île-de-France. On peut dire qu'il y a toujours eu du climato-scepticisme depuis le début de la prise de conscience du réchauffement climatique. Il y a eu des contre-vérités dites notamment par les responsables des énergies fossiles. Et ce que l'on observe sur les différentes années, c'est qu'il y a des variations saisonnières de l'activité du dénialisme, depuis qu'on l'observe sur Internet, avec des regains de climato-scepticisme au moment où on parle le plus du climat, c'est-à-dire l'été, quand il fait chaud, quand il y a de plus en plus d'événements extrêmes, et puis au moment des COP. C'est donc l'actualité médiatique qui crée un défoulement de ces dénialistes sur les réseaux sociaux, et c'est valable aussi à chaque nouvelle parution du GIEC. Et c'est à partir d'un réseau social particulier, X, anciennement Twitter, que ce chercheur et son équipe tentent de dessiner les caractéristiques de leur discours, non pas en étudiant leurs arguments, mais en comparant leurs messages postés et leur propagation à ceux des experts du GIEC, par exemple. Il y a un recours à des comportements automatisés sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une amplification artificielle de la parole via des comptes robots ou des comptes qu'on achète pour essayer de manipuler les tendances sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un discours qui est beaucoup plus toxique que la moyenne, c'est-à-dire beaucoup d'insultes, beaucoup de dénigrements. C'est les communautés qui s'attaquent directement aux scientifiques et qui essayent de dénigrer en fait leur travail. On voit aussi que dans leur structure d'expertise, les climato-dénialistes ont une expertise inauthentique, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une expertise standard, en fait, il va s'exprimer sur son sujet au moment où on parle de ce sujet. Quand on va parler des océans, on va y avoir les experts des océans qui vont parler de leur recherche parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Quand il y a des feux de forêt, ça va être les experts des forêts. Côté climato-dénialiste, on voit que on a un petit nombre de comptes, quelques dizaines, quelques centaines, qui vont s'exprimer sur tous les sujets, tout le temps. Des insultes, des faux comptes, des faux experts et des prises de parole constantes. Une stratégie de manipulation qui ne semble pas être propre aux climato-dénialistes. Elle est aussi partagée par d'autres mouvances dites complotistes. Et par ailleurs, ces faux experts du climat étaient parfois experts de la Covid-19 au moment de la pandémie. Mais quelles sont les conséquences de ces discours, notamment sur les prises de position politique vis-à-vis du changement climatique? Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un regain de violence à l'égard des scientifiques en ligne qui commencent à quitter le réseau. Ça, on l'a observé. On a eu une baisse de moitié du nombre de messages qui relayaient l'information fiable sur Twitter à partir d'octobre 2022. Donc, c'est énorme. Donc, on a une information moins bonne. Donc, du coup, aussi une conversion plus rapide au climato-dénialisme par ces comptes trompeurs. Et ça, c'est difficile d'imaginer que ça n'a pas d'effet au niveau politique public, parce que les politiciens, et on voit déjà d'ailleurs, il y a un regain de climato-scepticisme du côté du Rassemblement national qui commence à prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours des effets d'opportunisme. Si vous voyez qu'une partie de la population adhère à une idée, vous avez tendance, si vous voulez gagner des voix, à essayer de vous mettre en défenseur de cette idée-là. Le volume de la communauté reste modeste par rapport à l'ensemble de la population française. On parle de quelques dizaines de milliers de comptes, mais avec le temps, leur nombre est en augmentation sur les réseaux. En France, entre 2021 et 2022, des analyses sociologiques pointent une augmentation du climato-scepticisme de 29 à 37%. Oubliez ce chiffre, mais retenez que cela ne va pas dans le bon sens et que le climato-scepticisme est très loin d'être marginal. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim à la réalisation, Anne Depelchin à la technique aujourd'hui, Élise Le. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.